Hello. It took us a while to get here. This is a song about copping drugs in New York. It's called I'm Waiting for My Man. Jeudi 19 novembre 2015, merci d'être avec nous. Un autre jour est possible. Depuis lundi, en début d'émission, on réécoute quelques moments de communion, de fête, de musique au Bataclan, salle visée, salle touchée, vendredi dernier, dans une ville toujours sous le choc. Et aujourd'hui, après Cesaria Evora, après Jane Birkin, après Jeff Buckley hier, on écoute Lou Reed, John Cale et Nico, qui étaient au Bataclan, c'était en 1972. Souvenir, hommage, mais aussi témoignage aux alentours de 6h15, le vendredi 13 à Paris, vu de loin, vu de près. Et aujourd'hui, on aura des témoignages d'Alger, de Ouagadougou et de Tunis. Up to Lexington, 125, feels like dirty, more dead than alive. Sweet mama, I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, if brother's from my mind. I'm just waiting for a dear, dear friend of mine. I'm waiting for my name. Here he comes, he's all dressed in black. Be your shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. Ooh, baby, I'm waiting for my man. I'm waiting for my main man. I tell you, Jim, I went for my man. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. If I can, I try my best. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset. Light on your door to show that you're home. When you think the night has seen your mind, and inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Hard to believe If you don't know beauty, you are. But if you don't, let me be your eyes, and in your darkness, so you won't be afraid when you think the night has seen your mind, and inside you're twisted and unkind. Let me stand and show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'm your mirror. What you are. I'm your mirror. What you are. I'm your mirror. What you are. I'm your mirror. What you are. Good night. Thank you very much. Vendredi 13 novembre à Paris, vu de l'extérieur, vu de loin, vu de près, au Burkina Faso. Bonjour Damien Glaise. Bonjour. Comment vous, les gens autour de vous, vos amis du journal, je rappelle que vous êtes dessinateur et que vous travaillez pour un journal satirique, mais comment vos amis, votre entourage à Ouagadougou s'est exprimé après ce terrible vendredi? Il y a un sentiment de solidarité, qui est notamment, évidemment, un sentiment de solidarité générale lié à l'humanité dont on parlait tout à l'heure, mais aussi parce que l'Afrique, proche par ailleurs de la France, en tout cas pour ces pays comme le Burkina Faso, a connu il y a peu, et ça continue un petit peu en Afrique de l'Ouest, des menaces djihadistes par rapport auxquelles la France est intervenue, notamment au Mali. Donc le Burkina Faso est voisin du Mali. Nous avons beaucoup de camps de réfugiés au Burkina Faso de Maliens, et les islamistes djihadistes qui sont au Mali revendiquent dans leur territoire qu'ils appellent la Zawad, une partie du Burkina. Donc on est évidemment très sensible à ces menaces djihadistes, et on est très sensible à ce que la France soit touchée, puisque la France a quand même intervenu de façon jugée positive par les populations dans cette zone de l'Afrique. Quel genre d'analyse, de débat a déclenché chez vous, à Ouagadougou, au Burkina Faso, les événements du vendredi noir à Paris? Il y a en fait deux niveaux de débat selon les discussions. Évidemment, le premier niveau, c'est de se dire que finalement, on n'est plus en sécurité nulle part. Mmh. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est en Afrique qu'on court les plus grands risques. On a vu avec déjà les attentats de Charlie Hebdo que c'était pas toujours au Burkina, par exemple, qu'on était plus en danger qu'à Paris. On avait eu la visite notamment du dessinateur Tinius en 2011 qui nous avait dit « Vous, les dessinateurs en Afrique, vous courez beaucoup plus de risques que nous ». Et on s'est aperçu que c'est lui qui est mort à Paris. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Effectivement, on a l'impression que la jeunesse parisienne n'est pas plus protégée que ne peut l'être cette jeunesse africaine dont on dit qu'elle souffre et qu'elle ne cherche qu'à sortir du territoire ouest-africain. Et après, évidemment, au-delà de la solidarité et de l'émotion brute, il y a un certain niveau de débat qui est que lorsque l'Afrique souffre ou lorsque d'autres pays sont menacés par les djihadistes, on en parle beaucoup moins que quand c'est l'Europe. On pense évidemment à ce qui s'est passé au Liban, pratiquement à la même période, mais les gens pensent beaucoup au Nigeria, d'ailleurs, avec la menace de Boko Haram. Mmh. Damien Glaise, quelle solidarité peut-on imaginer quand on est comme vous, c'est-à-dire habitant dans un pays tout à la fois lointain et proche? Il y a certainement une double solidarité qui doit être possible. La première solidarité, c'est la même que l'on voit un peu partout, c'est une espèce de solidarité morale, donc à travers les réseaux sociaux. L'Afrique commence à être très connectée, donc on a vu beaucoup de réactions à ce niveau-là. Et beaucoup de prières, plus ou moins plus ou moins laïques d'ailleurs, enfin des messages de soutien qui ont été envoyés à travers notamment les réseaux sociaux. Et après, évidemment, lorsqu'on s'aperçoit que le problème djihadiste devient un problème très général, pour ne pas dire mondial, et que on a la nécessité d'avoir une réponse sous la forme de ce qu'on est bien obligé aujourd'hui d'appeler une guerre, il faut que l'Afrique aussi puisse prendre son rôle. Alors l'Afrique n'a pas toujours beaucoup de moyens sur le plan militaire, donc c'est la France, par exemple, effectivement, au Mali, qui est venue donner le coup de semonce le plus fort contre les djihadistes, mais les Africains essaient d'être à la hauteur, et on pense notamment à l'armée tchadienne, qui est beaucoup intervenue et qui a perdu beaucoup d'hommes dans la lutte contre les djihadistes dans les différents pays que l'on connaît, notamment sous la menace de Boko Haram en Afrique centrale. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur l'antenne de France Culture. Mes amitiés à tous vos collègues du journal du jeudi, David Glaise, merci d'être intervenu. Merci. كي نتفكرهم تشعل ناري وين راكم يا ولدي. France Culture, un autre jour est possible, vendredi 13 à Paris, vu de loin, vu de près. Et cette expression s'applique parfaitement à Alger, l'Algérie, où nous retrouvons Samir Toumi, écrivain, qui témoigne sur l'antenne de France Culture. Bonjour Samir Toumi. Bonjour. Comment, à partir d'Alger, vous avez vécu ces événements terribles qui ont ensanglanté la capitale française vendredi dernier? Alors, écoutez, ça a été un choc, un bouleversement, ça a été une horreur, on ne croyait presque pas. Ça, c'est la réaction à chaud, et je pense que tout le monde a été bouleversé par ce qui s'est passé à Paris, déjà dans l'absolu, mais aussi par l'étroitesse des liens qui lie les Algériens sur les rives de la Méditerranée. Tout le monde a un cousin, une tante, un oncle à Paris. Ensuite, il y a aussi le fait que peut-être qu'en Algérie, on l'a vécu aussi un peu en connaissance de cause, à savoir que ça a réactivé chez nous des moments terribles que nous avons vécu pendant la décennie noire. Et donc ça aussi, ça a été un moment où nous, dans notre chair, on a ressenti des émotions qui nous ont ramenés à des périodes qui ont été extrêmement douloureuses pour nous. Après, évidemment, vous savez, l'Algérie a vécu ces moments dans une énorme solitude et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'avec Internet, qu'avec les réseaux sociaux, il y a une forme de solidarité, il y a une forme de compassion un peu internationale qui a beaucoup manqué à notre époque. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des voix qui disent voilà, nous on a vécu un peu tout ça dans la solitude, un peu comme un peu d'amertume par rapport à ça. Il y a aussi l'évocation, il y a aussi tout un débat, il faut le dire, sur le fait que, évidemment, sans créer de hiérarchie, mais je pense que, voilà, on est tous dans l'émotion, mais c'est vrai que, vu de l'autre côté de la Méditerranée, on pense au Liban, on pense à d'autres pays qui ont connu des situations aussi violentes, mais peut-être qui ont été moins médiatisées mondialement que celle de Paris. Donc il faut pas non plus occulter ce traitement compassionnel qui est extrêmement différent d'un pays à l'autre. Voilà, mais il n'empêche que ça se discute même pas une seconde. Tout le monde a été bouleversé, meurtri, par ce qui s'est passé, horrifié par ces événements-là. Voilà, très très rapidement, j'allais dire, l'espèce de patchwork de sentiments par lesquels nous sommes passés. Et puis les Algériens ont vite découvert d'ailleurs, dans le choc, la consternation que parmi les victimes du Bataclan se trouvait un jeune musicien de musique plutôt savante, oui, arabo-andalouse, oui. qui est allé au Bataclan, oui. Ouais, et qui était en France, oui, uniquement pour des études de musicologie, si je comprends bien. J'ai vu que ça... Exactement, ouais. Je faisais un master de musicologie. D'ailleurs, moi, je l'ai appris par un autre étudiant en musicologie qui vient d'arriver à Paris pour faire son doctorat. et qui m'a envoyé un mot où il était complètement choqué et bouleversé. Il faut dire que pour ces personnes-là, c'est un peu la double peine, parce que il faut savoir que beaucoup d'Algériens ont fui la décennie noire pour s'installer en France. Il y a aussi tous ces jeunes étudiants qui ont connu l'enfance, enfin qui ont vécu le terrorisme dans l'enfance, et c'est un peu terrible pour eux. C'est tous ces sentiments un peu irrationnels, et puis il y a l'humour aussi qui est là, qui est présent et qui aide un peu à dépasser ces événements-là. Mais en tout cas, ça réactive beaucoup de choses chez nous. Par exemple. Ça réactive le terrorisme de la décennie noire. Je veux dire, ces bombes qui explosent, ces gens qui tirent dans la foule, qui tirent dans le tas, ces personnes qui sont assassinées lâchement. Tout ça, on l'a vécu. Ça a été une horreur. Il y a eu 200 000 morts. Tout le monde a été touché dans sa chair. Moi, je dis souvent que nous, les Algériens, on est morts une fois. on est tous morts un peu à l'intérieur à cause de ces événements-là. Donc forcément, ça réactive beaucoup de choses, beaucoup de choses. Après, l'Algérien a cette élégance et cette pudeur qui fait qu'il n'en parle pas trop, mais il n'en pense pas moins. Enfin, pour terminer, Samir Toumi, Paris, c'est une ville que vous connaissez. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de revoir les images de l'Est parisien dans un état de choc terrible, confronté à l'horreur des attentats terroristes? Écoutez, c'est marrant, je peux même pas imaginer. C'est-à-dire que c'est tellement de choses que je n'associe absolument pas que j'ai du mal à imaginer ce qu'est Paris aujourd'hui. Je ne sais pas comment les gens réagissent. J'imagine que nous sommes tous des êtres humains, nous réagissons de la même manière, c'est-à-dire qu'on est choqué, bouleversé, mais en même temps, on se lève le matin et on continue, voilà. Après, je pense que la France, qui est une grande démocratie, va commencer à se poser à froid un certain nombre de questions sur sa politique, sur les choix qu'ils ont faits, sur qui sont ces personnes-là, pourquoi ont-elles fait ça. Donc je pense que c'est une société qui va pouvoir se poser des questions fondamentales. Après, sincèrement, moi je suis extrêmement sceptique sur le fait que ça changera quoi que ce soit, hélas, parce que la remise en cause, la remise en question est extrêmement difficile, et donc la planète ne va pas changer, le monde ne va pas changer, hélas, parce qu'il y a eu Paris et 130 personnes lâchement assassinées. Samir Toumi, écrivain en direct d'Alger, merci d'avoir témoigné pour Un autre jour est possible. Merci à vous et bon courage à tous. Bien sûr, on a une pensée pour nos auditeurs, nos amis qui ont vécu une nuit, une journée pour le moins éprouvante hier à Saint-Denis. Mais on continue d'appeler nos amis en Afrique et plus précisément cette fois-ci à Tunis. Tunis qui a connu elle aussi ces dernières années des moments très durs, des attaques terroristes. Et au bout du fil, nous avons Annie Khadija Jamel qui fait partie de l'association Sud Écriture. Bonjour Khadijani. Bonjour. Alors comment vous, à partir de Tunis, ville plusieurs fois visée, touchée par le terrorisme, vous avez vécu ce vendredi 13 noir à Paris? Ben écoutez, de façon terrible, c'est tout ce qui se passe dans chaque pays comme acte de terrorisme, c'est aussi bien l'Afrique que la France ou tout autre pays, nous touche à plusieurs titres. Nous avons nous-mêmes été les cibles d'actes terroristes. Il y a quelques jours, un jeune enfant gardien de troupeau a été décapité. C'est, tout ça est horrible et nous sommes de tout cœur avec tous les gens touchés, toutes les familles. D'ailleurs, deux Tunisiennes font partie des victimes, malheureusement. il y a des blessés tunisiens aussi. Tout le monde est touché. C'est une barbarie aveugle et qui est juste contre la liberté, contre la fraternité. C'est un symbole terrible. Et d'ailleurs, à Tunis, il y a eu des témoignages de tout le monde. Il y a même eu une réunion sur l'avenue Bourguiba, l'avenue principale de la ville, pour protester contre ce qui se passe. Quel sentiment vous habite aujourd'hui, Annie Khadija Jamal? Bah écoutez, un sentiment de profonde tristesse, parce que ce n'est pas la société à laquelle nous rêvons. Et donc, nous, en Tunisie, nous avons depuis quelques années un peu plus de liberté d'expression, de parole, une constitution qui assure des droits. Et voilà que des gens, au nom de la religion, se permettent de frapper aveuglément, c'est pas possible. C'est un sentiment de révolte, d'horreur, et en même temps de fraternité pour tous ceux qui sont touchés dans leur chair, dans leur affection et dans leur famille. Même sentiment partagé. On est tous sonnés sous le choc. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, c'est aussi le moment de se dire que faire, comment résister, comment s'impliquer pour changer le monde? Bah oui, tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question je ne sais pas, il faut essayer de changer un peu les mentalités. Pourquoi tout d'un coup tant de haine? Pourquoi ce sentiment d'exclusion aussi qui habite tant de jeunes? Ça n'est pas normal. C'est là qu'il faut agir. Je pense, à mon avis, que tous les jeunes d'origine étrangère qui se sentent exclus en France, on doit leur donner confiance en eux. Ils doivent faire partie de la communauté nationale. Et ce sera peut-être la seule façon d'échapper à toute cette horreur. Annie Khadija Jamal, en direct de Tunis, merci beaucoup d'avoir témoigné pour Un autre jour est possible sur France Culture. Merci beaucoup, madame. Merci à vous et courage. I love Paris. Why, oh why do I love Paris? Because my love is here. C'était Un autre jour est possible, émission que vous pouvez réécouter ou podcaster en passant par franceculture.fr. On se retrouve demain, et demain toute l'émission sera consacrée au Bataclan. Je serai notamment avec l'écrivain et critique musical Mishka Assayas et ma collègue Elana Zerad, qui produit sur notre antenne Chanson Boom. Dans un instant, les derniers développements de l'actualité. Bonne journée, à demain.